Bip bip. Ouais. Oui. Bonjour, bonjour. Bip bip. Ouais. C'est la top. Wow, wow, wow, wow, wow. Ben non, slip. Non, non, non, non. Tu peux retirer ta main, ton doigt que t'as mis dans ta bouche. Donc, je vois pas du tout ce que ça veut dire. Bah si, ça veut dire ce que ça veut dire, baby. Banana slip. Attends, je suis bonne cochonne et je suis pas une... Non. Manu, t'as un cave. Oh non. Manu, t'as un cave. Oh non. Wouah. Allez, dégage, allez, hop, hop, hop. Oh là là là. Banana slip. Wouah. Ta gueule, toi. Ta gueule, toi. Pourquoi qu'il n'y avait pas Sandy non plus dedans? Et t'as pas vu ton tacule en kill ta sœur? Oh là là là là! Oh là là là! Oh là là là là là! Non! Benin, slip, ta gueule, toi! Et celui qui avait ta portable, dégage! Non! Ah bah oui, de toute manière, je suis là pour tourner des perches aux gens. Attends, si j'éjacule pas, dans ces cas-là, terminé pour toi. Attends, pour l'instant, c'est moi qui commande dans mes débats. C'est Tony. Viens-le ! Mais merde, je vous dis que c'est lui, il met un mouchoir devant son combiné. Peut-être. Et attends, il a dû changer non, de voix. Non, mais attendez, un mouchoir devant un combiné, on peut changer sa voix. Gérard, regarde pour calmer le débat. Oh là là, moi j'en ai ras le bol. Allez, moi j'arrête. Gérard, arrête. Mais non, je j'arrête. Vous faites que de la merde ce soir. Mais c'est qui Tony d'après toi? Dis-moi. Alors, l'espèce de beauf, Tony, merci, au revoir à toi. Merci. Non. Bon, alors, Tony, tu fermes ta gueule, dégage. Stop. Si, il est là. Ben, un slip. Wouah. Ta gueule, toi. Oh non. Ah ouais, qu'est-ce qu'il vient faire encore là? Manu! Tu fais ton boulot correctement, merde! Putain, mais c'est pas vrai! Calme-toi, Gigi, t'occupe pas d'eux et qu'on... Putain, mais vous allez faire votre boulot, ce temps-là ou quoi? On s'amuse pas à aller dans les... Oh, ma gueule, c'est moi qui pose la question, d'accord? Le pourquoi, j'en ai marre! Pourquoi? Est-ce que... Ta gueule, avec tes pourquoi, toi! Putain, vous en avez rien à foutre de l'internet, moi j'en ai rien à foutre de votre gueule! Gérard, c'était ta voix, ça, je te signale. Il éjaculait pas! Bon, alors hop, terminé! Non, arrêtez les auditeurs! Non, c'est pas les auditeurs, c'est vous qui chauffez les auditeurs, ok? Max! Arrêtez! Max! GG! Non, je ne cherche pas! Je ne cherche pas, vous êtes responsable au standard! Manu, fais gaffe à ta gueule! Il a rien fait, GG! Putain, vous allez... Vous deux, vous allez commencer à faire votre boulot correctement. Après, on discutera. Oh merde, t'es une pute. Bon, alors. Oh là là. Oh Gérard. Mais Gérard. Oh Gérard. Bon, bah Gérard, il sort. Mais Gérard, viens. Attends, mais j'ai trouvé qui c'était, on l'a dégagé. Ben, un slip. Oh là là là.